Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France. Mentionnée dès l'Iliade et l'Odyssée, la piraterie est depuis des millénaires un phénomène endémique, véritable calamité maritime, notamment en Méditerranée. Ainsi, on se souvient de ces pillages et ravages au cours du 1er siècle avant notre ère, dont seule la flotte de Pompée mit un terme à la fin de la République romaine. Bien entendu, la piraterie reste toujours d'actualité en mer de Chine méridionale, mais surtout en mer d'Arabie, c'est-à-dire dans l'océan Indien, puisque les forbans somalis menacent régulièrement les grandes routes commerciales mondiales. Pour mon invité, l'âge d'or de la piraterie serait les 17 et 18e siècles, ce qui est normal, puisque c'est sa période. Mais il est vrai que nous possédons pour cette époque nombre de sources écrites, témoignages et par là même de romans d'aventure. Toutefois, les données de l'archéologie restaient d'une rare indigence. Jean Soula, bonjour. Bonjour. L'archéologie de la piraterie et des économies illicites est surtout une recherche anglo-américaine, probablement eu égard à la proximité des Caraïbes. Elle restait inconnue en France et vous êtes donc lancé sur ce thème, pour preuve un livre, Pirates, aux éditions Alizio. Si vous étiez venu dans l'émission il y a quelque temps, aujourd'hui nous nous intéresserons surtout au camp des pirates. Les pirates à terre, on imagine, dans des îles. Jean Soula, votre doctorat avait pour sujet les contacts transmanches entre le 5e et le 7e siècle et la présence de mobilier mérovingien dans le sud-est de l'Angleterre. Y aurait-il eu déjà des pirates dans la Manche mérovingienne ? Oui, évidemment, on est un petit peu éloigné de la période chronologique des 17e, 18e siècles. Mais effectivement, des pirates existaient. Ils sont d'ailleurs bien renseignés par l'histoire, peu par l'archéologie. On attend de découvrir leurs vestiges. Donc vous avez bifurqué ? Vous êtes passé du Moyen-Âge au temps moderne. Oui, c'est l'archéologie préventive et programmée qui fait cette bifurcation, qui aide à ce détour de passion aussi, quand même, qui est lié à un entrain de jeunesse hein, et d'enfance, lié à un désir d'aventure et d'exotisme qui change un petit peu de l'Angleterre et du nord de l'Europe. Alors, pourquoi devient-on pirate ? La piraterie, c'est un phénomène qui existe depuis toujours, mais pour ce qui est de cet âge d'or, hein, qui est entre les années 1680 et 1730, hein, ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie, qui s'oriente vraiment sur l'espace caribéen et l'océan Indien, ces pirates, en fait, cherchaient à fuir une vie compliquée dans les rues de Bristol, dans les rues de Londres ou de Paris, pour ce désir d'aventure, d'exotisme, avoir le gîte et le couvert, finalement, c'est ce qu'on a à bord, et essayer de devenir riche, qui est le but ultime du forban. Pirata, du latin, est celui qui tente la fortune, donc c'est bien ça. Tenter sa chance. Oui, tenter sa chance, essayer tant bien que mal de sortir de son quotidien, de fuir un avenir compliqué et essayer de devenir riche en accumulant des richesses, porcelaine chinoise, lingots découpés pour éventuellement avoir une vie meilleure. Jean Soula, l'archéologie de la piraterie n'est-elle pas tout simplement une branche de l'archéologie maritime ? Complètement, c'est une thématique de recherche très particulière, mais qui s'intègre dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'archéologie des Outre-mer, que de nombreux collègues, notamment à l'INRAP, développent dans les Antilles françaises, mais aussi dans l'océan Indien, avec le soutien des services régionaux de l'archéologie. Et elle s'intègre parfaitement, de par sa culture matérielle, à cette archéologie moderne, post-médiévale, comme on dit en Angleterre ou aux États-Unis, dans cette grande période qui est les temps modernes, finalement, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est votre approche. Vous avez une approche globale de la piraterie au travers du prisme de l'archéologie. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. La piraterie est extrêmement intéressante, mais c'est quand même un petit phénomène, un épiphénomène qui a duré une cinquantaine d'années pour cet âge d'or. Et il faut complètement l'intégrer dans cette archéologie moderniste, à la fois en Europe, en métropole, mais aussi dans les territoires ultramarins. Et tout doit être lié, c'est-à-dire quand on travaille sur les pirates, on doit travailler aussi sur l'origine et la production des objets que l'on va retrouver et qui sont fabriqués où, dans la plupart du temps, quand même, en Europe. Donc tout est lié. Il faut associer aussi l'archéologie sous-marine, qui est l'archéologie des épaves et qui est confrontée, nous, associée à cette archéologie des pirates, à l'archéologie terrestre, qui nous amène énormément d'informations. Les textes et les illustrations ? Oui, évidemment. On a la chance quand même pour cette période, fin 17e, début 18e siècle, d'avoir énormément de récits contemporains. Alexandre Olivier Oxmelin, le chirurgien de la Phibuste, Capitaine Johnson, sous le nom caché de Daniel Defoe, 1724, ces deux volumes de l'histoire générale des plus fameux pirates. On a toutes ces captures qui sont bien renseignées, les archives hollandaises, françaises et autres qui nous donnent des informations sur ces forbans. On a des noms de navires aussi, des naufrages qui sont renseignés. Tout ça est associé et d'ailleurs, elles sont d'énormes pistes de recherche pour l'archéologie. Je sais que vous avez cherché d'ailleurs des archives aux archives départementales du Morbihan, c'est bien ça ? Tout à fait, à Vannes, où nous avions été en 2021, retrouvé avec le collègue historien Philippe Rodège l'acte de mariage d'un pirate qui était Christopher Condon, avec son nom changé, puisqu'ils changent tous un petit peu plusieurs fois d'identité, Edward Condon, qui était un pirate de l'océan Indien, qui était passé par l'île Sainte-Marie, et qui s'était marié finalement pour être rentré dans leur rang à Port-Louis, dans le Morbihan, et son acte a toujours été retrouvé, enfin conservé aux archives de Vannes, avec une copie également aux archives de La Réunion. Donc c'est extrêmement intéressant pour nous d'avoir les conditions de réinsertion presque professionnelle de ce pirate qui est devenu maître de barque dans les années 1720. La piraterie est surtout bien sûr connue dans les Caraïbes, par les textes, mais aussi par l'archéologie. On pense bien sûr à toutes ces fouilles d'épaves. Oui, évidemment, c'est ce qui nous intéresse premièrement, c'est l'archéologie sous-marine. D'ailleurs, moi je le précise, je ne suis pas plongeur archéologue, c'est une discipline très particulière, il faut avoir tous les diplômes et les assermentations pour pouvoir le faire. Donc dans notre équipe, qui est Archéologie de la Piraterie, un programme soutenu par l'Université de Caen et d'autres universités, on s'entoure justement de plongeurs professionnels, comme Anne Oyoberi et d'autres, qui nous aident à travailler sous l'eau et à fouiller ces épaves, qui sont quand même très lacunaires. Dans la plupart du temps, on a très peu d'éléments liés à la coque du navire. On est dans des zones à ouragan, puisque ce sont des naufrages. Donc on a les restes de navires qui sont très lacunaires, mais on a encore beaucoup d'objets, notamment des canons, des ancres et des objets de la vie quotidienne qu'on doit réexaminer. On ne cherche pas que la cargaison. Non, on cherche pas que la cargaison, on cherche aussi les éléments de bord, les canons, puisque généralement ce sont les premiers éléments que l'on retrouve, avec les ancres, ce qui nous permet de mieux comprendre l'histoire de ces naufrages et de ces épaves pirates. Au large d'Haïti, l'île de la Tortue a été vraiment une île des pirates. Elle reste cependant totalement à investir par les archéologues ? Oui, complètement. Alors, dans l'imaginaire collectif, l'île de la Tortue, c'est le repère pirate par excellence des Caraïbes, évidemment. Au final, dans l'histoire de ce que l'on sait, notamment rapporté par Jean-Pierre Moreau, éminent historien du sujet, elle n'a été abordée par les pirates et par les flibustiers de l'époque qu'une quinzaine d'années au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Donc, on sort déjà de l'imaginaire collectif. Ces flibustiers qui étaient présents là-bas étaient sous le gouvernement français. Et aujourd'hui, les conditions politiques font que, malheureusement, nous ne pouvons pas y accéder. Nous tentons de développer une mission archéologique là-bas, mais vous le comprendrez, ça reste très périlleux. L'île de la Tortue aurait été une république pirate libertaire ? Alors non, justement, pas cette île-là, à la différence de l'île de Nassau, aux Bahamas, qui, entre 1715 et 1718, donc on est à l'époque de Barbe Noire, Sam Bellamy, Charles Vane, Jack Rackham, où ces pirates ont formé une sorte de consortium pour justement essayer de piller de manière plus aisée, avec une zone de relâche accessible, les bateaux qui passaient par là, et notamment la fameuse flotte de 1715, la flotte espagnole, qui a coulé au large de la Floride. Au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, la flibuste diminue dans les Caraïbes et migre alors vers de nouvelles terres. Une migration de la forfaiture vers l'océan Indien, que se passe-t-il ? Alors en fait, c'est assez simple. On a les gouvernements, notamment anglais, qui veulent exterminer ces pirates puisqu'ils posent un réel problème pour l'économie mondiale et le développement de ces colonies. Donc ils envoient des espèces de chasseurs de pirates, des espèces de corsaires pour exécuter et mettre à mal ces bandes de pilleurs. Et certains préfèrent... Comme Ptolémée. Exactement. Et certains préfèrent en fait tout simplement fuir cette zone complexe plutôt que de demander une amnistie, ce qui était souvent le cas aussi, évitant la pendaison, et partent vers d'autres terres, et notamment l'océan Indien. Le but, intercepter les navires sur les routes des Indes, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, notamment les navires de la Compagnie des Indes qui font le transit entre Macao et d'autres ports de l'Asie jusque même parfois la Caraïbe en elle-même avec les nouvelles colonies portugaises et espagnoles, mais aussi tout simplement la péninsule ibérique en Europe. Ces compagnies, elles sont quoi ? Françaises, hollandaises, surtout la fameuse VOC ? C'est ça, la VOC. D'ailleurs, on retrouve dans certaines épaves pirates des assiettes porcelaines de commande japonaises en porcelaine ou chinoises avec le symbole de la VOC. Pourquoi s'installer à Madagascar ? L'île serait géostratégique ? Complètement. Cette île est extrêmement bien placée. Déjà, elle est immense. La côte est est pleine de baies enclavées qui permettent de se cacher des navires qui sont au large et qui ne rentrent pas dans ces méandres, ces détroits complexes. On le sait, on a d'ailleurs de très nombreux bateaux marchands qui se font prendre près de ces îles-là. Les Comores, aussi également l'île Maurice. Et ces côtes, vraiment, sont une sorte de refuge pour ces forbans des mers. Et les conditions politiques sont absolument idéales. Tout à fait. On connaît notamment le fameux Henri Avry, qui a été surnommé le roi de Madagascar dans les années 1670 et qui était finalement un des premiers pirates flibustiers connus à s'être installé dans l'île de Madagascar avant finalement la chute des pirates dans la Caraïbe. Cette piraterie est essentiellement anglaise et en 1720, le gouverneur de l'île Bourbon dénombre quelques 1150 pirates. Toutefois, les prises ne se déroulent pas près de cette île, mais bien plus à l'est. Oui, évidemment, on a un certain nombre de routes commerciales qui sont chassées et qui permettent de prendre de grands navires liés au sultan et autres rois d'Asie et d'Orient. Comme le Great Mahomet, par exemple ? Tout à fait, comme le Great Mahomet ou d'autres prises qui apportent, d'ailleurs, il faut le rappeler, des captures incommensurables. Les plus grandes prises pirates de l'histoire de cet âge d'or de la piraterie sont faites dans l'océan Indien. Lesquelles ? Notamment la fameuse Vierge du Cap qui a été prise en avril 1721 par plus célèbre pirate français Olivier Levasseur dit La Buse. Donc si je comprends bien, la piraterie elle opère vers Surat, côté Inde, dans le détroit d'Ormuz, à l'entrée de la mer Rouge, c'est ça ? Oui, c'est vraiment dans cette zone. Et ils attaquent même des pèlerins qui vont à la Mecque ? Complètement, d'ailleurs, c'est assez connu. On a des prises de bateaux qui véhiculent des pèlerins, qui sont du coup avec leurs effets personnels, qui permettent d'avoir des prises assez importantes également. Et ces pirates sont friands de ces types de navires-là. Une île à quelques encablures de Madagascar aurait été un des grands points de ralliement des pirates de l'océan Indien. Son nom, l'île Sainte-Marie ? Complètement. Alors c'est une île aujourd'hui qui dépend de Madagascar, de la République de Madagascar. C'est une île qui fait 47 km de long, qui est pas très grande et qui a une baie enclavée au sud de l'île, pas très loin de l'aéroport actuel, et qui permet un terrain de jeu pour les pirates assez incroyable dès les années 1690. Et les toponymes sont explicites dans cette baie. Ah, je pense qu'on peut pas faire mieux. Déjà, la baie s'appelle en elle-même à l'époque, dès les années, dès début du XVIIIe siècle, la baie des pirates. Et on a un petit îlot dans l'intérieur de cette baie qui s'appelle l'îlot Forban. On est dans quel paysage ? Alors, il faut s'imaginer une baie enclavée avec pas mal de reliefs autour. C'est assez paradisiaque, hein, il faut le dire. Nous, archéologues de la piraterie, on aime bien travailler dans des endroits un petit peu paradisiaques. C'est vrai, il faut l'avouer, ça change du mérovingien. Il n'empêche que elle est relativement bien accessible. Aujourd'hui, elle est bloquée finalement par l'île aux Madames qui est tout à l'entrée et par deux digues qui ont été édifiées il y a quelques années. Donc, ce qui empêche finalement aujourd'hui tout type de bateau de rentrer à l'intérieur de la baie. On ne peut y naviguer qu'en pirogue. Donc, aller travailler sur l'île aux Forbans, par exemple, c'est prendre la pirogue le matin et en faisant attention aux marées. Et puis, essayer d'y accéder de manière relativement, peu simple. Alors aujourd'hui, des quais sont installés justement et on rentre dans une sorte de végétation relativement dense qui est complexe, notamment pour les opérations de prospection archéologique. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Jean Soula, l'île Sainte-Marie serait-elle aussi vierge d'archéologie ? Oui, alors cette île, au niveau terrestre, n'a jamais été examinée par des fouilles archéologiques, jamais. On a été les premiers, en mai 2022, à explorer ces différentes zones qui nous intéressent. On en a plusieurs, notamment des sites de hauteur avec des plateaux, qui ont révélé d'ailleurs, grâce à la prospection, les premiers indices de population par l'archéologie, hein, pas par l'histoire, mais en tout cas, on a retrouvé des tessons façonnés à la main, malgaches, qui dateraient des 9e, 11e siècles, donc ce qui est relativement intéressant pour nous, bien avant l'arrivée de ces pirates. Alors c'est une archéologie aussi extraordinaire, Madagascar. C'est la fusion entre deux populations. D'un côté, les Austronésiens venant de mer de Chine, et puis ce que l'on appelle l'expansion bantou, c'est bien ça ? Tout à fait. Et d'ailleurs, ces pirates ont bien compris l'atout politique qu'il fallait avoir avec les locaux, les malgaches de l'époque, aujourd'hui les Betsimisaraka. C'est extrêmement important pour eux, d'ailleurs, parce que les Français avaient un intérêt avec cette île Sainte-Marie. Ils ont essayé avec Flacourt de s'y installer dans les années 1650, mais ils ont été vite déboutés. Bon, ils n'avaient qu'une petite garnison d'une dizaine de soldats, ce qui n'a pas pesé lourd. Ils n'ont pas réussi à mettre en place des accords politiques avec les chefs locaux, les chefs claniques, comme on dit. Mais par contre, les pirates, eux, ont réussi. Et ont réussi par quels moyens ? Tout simplement par l'installation d'une plaque tournante de contrebande qui enrichissait également les locaux. Alors, l'archéologie de l'île Sainte-Marie, elle commence par l'archéologie sous-marine, et notamment américaine. Oui, tout à fait. Bah, on peut pas le nier. Les Américains ont été les premiers, une équipe éthiquement un peu compliquée, avec notamment un chasseur des trésors dont je tairai le nom, dans les années 2000, 2010 et 2015, qui ont quand même réussi à découvrir 4 épaves dites pirates, d'après leur rapport maigre, mais leur rapport existant quand même, et notamment une qui serait être le supposé Fiery Dragon coulé en 1721 et qui appartiendrait au capitaine Christopher Condon, dont nous avons parlé tout à l'heure, le fameux qui s'est remarié à Port-Louis dans le Morbihan. Quelle est son histoire, par exemple ? Alors, lui, c'est un pirate anglais qui est arrivé à Sainte-Marie d'après les sourds dans les années 1719-1720. Et comme tous les marins pirates de l'époque, hein, mais cela dès les années 1699 avec William Kidd, les pirates, en fait, avaient pour objectif de prendre des navires au large, on l'a expliqué, et de rapatrier leur cargaison sur l'île Sainte-Marie. Elle servait vraiment de zone de relâche, c'est-à-dire de zone de ravitaillement, dans un premier temps, puisque l'île est très riche en bois, en coraux. Le corail servait à quoi ? Il était brûlé pour nettoyer le navire, appliquer une sorte de mélasse lorsque le bateau était mis en carène. Contre le calfaté, en fait, contre les tarets, c'est ça ? Exactement. Et il était et on a retrouvé, nous, en fouille, en plus sur l'île aux Forbans, des amas de coraux brûlés contemporains de la période des pirates. Donc c'est extrêmement intéressant. On avait retrouvé des clous de chaloupe brûlés associés. Donc on peut imaginer qu'ils avaient mis en combustion avec du bois des restes de chaloupe et aussi de la porcelaine chinoise datée de la période Kangxi, 1662-1722 et plutôt les années 1710. Donc on a, grâce à cette porcelaine, on va en parler, j'imagine, mais des atouts de datation qui sont extrêmement intéressants. Et ce Christopher Condon, comme d'autres, il aurait sabordé son navire à l'entrée de la baie pour bloquer des futures invasions anglaises. Et finalement, il a accepté une amnistie du fameux gouverneur de Bourbon pour rentrer à Bourbon, puis après être rapatrié en France et devenir maître de barque. Quels sont les autres bateaux Alors, on a trois autres bateaux, mais tout cela reste vraiment à être entre guillemets, puisqu'on n'a pas l'identification. Nous-mêmes, nous n'y avons pas replongé pour l'instant. Vous avez étudié le matériel. On a réexaminé le matériel qui est sorti du supposé Fiery Dragon et qui nous a donné énormément d'informations. Et ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, on n'est pas très loin d'une identification du supposé Fiery Dragon d'après les objets. Les autres bateaux, donc c'est le Great Mahomet, le New Soldado et éventuellement l'Adventure Galley de William Kidd qui serait le plus ancien, qui aurait coulé dans la baie en 1698. N'y a-t-il pas une difficulté à identifier une épave pirate par essence? Surtout quand on n'y a pas plongé, oui, ça c'est compliqué. Mais en tant qu'archéologue, évidemment, c'est très compliqué. D'ailleurs, mes collègues plongeurs le savent évidemment. La coque du navire permet d'identifier la fabrication. Mais après, il faut travailler évidemment sur l'assemblage en lui-même et notamment les objets qui sont récupérés. Et ces objets nous indiquent la période d'identification, la période d'usage du navire, sa cargaison, éventuellement au moment où il a coulé en fonction des analyses qui peuvent être faites. Et ce sont les archives, en fait, aussi, qui vont nous amener ces informations sur l'identification du navire. Pirate, ça veut dire quoi? On a finalement deux indices qui peuvent être intéressants. C'est le multiculturalisme, ce sont l'assemblage d'un lot d'objets sur un temps court, c'est-à-dire une période chronologique relativement courte, quelques années. Et puis, une importante cargaison d'armement, donc de canons bien sûr, mais aussi de balles de mousquet et d'autres armes de poing. Et comment se présentent tous ces navires au fond de l'eau? Est-ce qu'ils sont aussi détruits que ceux dans les Caraïbes? Alors ce qui est assez extraordinaire, ce sont les archives d'abord. Les archives nous renseignent qu'en 1722, on voit les mâts des bateaux dépasser. Imaginez-vous, 4 navires, 5 navires dans cette baie à 8-10 mètres de fond avec les mâts qui devaient dépasser. C'est assez extraordinaire en fait. Et en plus de cela, on sait que les bateaux ont été partiellement coulés. On est dans une eau assez vaseuse, hein, puisqu'on est dans une zone portuaire. Il bloquait complètement la vue aussi de l'intérieur de la baie. Donc ça, c'est assez incroyable. Et aujourd'hui, finalement, pour l'un de ceux qui a été examiné dans les années 2000 par les Américains, il reste quand même des éléments de la coque et énormément d'objets au fond qui sont juste là pour être ramassés. Il n'y a même pas besoin de creuser pour les récupérer. Justement, vous avez réétudié donc tout ce mobilier, 2800 céramiques chinoises et aussi quantité de pièces d'or. Oui, alors... Quantité, très belles. 13 pièces en or qui, malheureusement, aujourd'hui, ne sont plus au musée. Il n'en reste qu'une seule en or. Les autres, on ne sait pas ce qu'il en a été. En tout cas, on a les photos de toutes ces pièces de monnaie étudiées à l'époque par John Debry, collègue américain et archéologue. Et on se rend compte que, finalement, ces pièces de monnaie en or viennent de différents pays, notamment Venise, la Hollande et autres. Au-delà de ça, la porcelaine chinoise, qui est extrêmement importante, toutes de la même période. Guangxi est plutôt le début du XVIIIe siècle. Et un décor blanc-bleu. Et un décor blanc-bleu pour certaines porcelaines. D'ailleurs, il faut dire qu'elles sont lacunaires, mais certaines sont des gobelets complètement complets. Et en plus de ce décor blanc-bleu, grâce ou à cause de l'état de conservation dans l'eau salée, une partie du décor a disparu. Justement, un tesson sort du lot, puisqu'il appartenait visiblement au vice-roi des Indes, dont le navire a été capturé par Olivier Levasseur, dit Labuse, le fameux pirate. Tout à fait, c'était la grande découverte. Alors nous, bon, on était juste là pour examiner le matériel. Donc on s'est dit, évidemment, si d'autres personnes l'avaient vu avant nous, ils l'avaient examiné. Et non, personne ne l'avait remarqué, parce que ce tesson de 5 cm en porcelaine est blanc, absolument blanc. Et il faut le faire refléter à travers la lumière du soleil pour voir apparaître un blason. Le blason de Louise de Ménessès, vice-roi des Indes, et nous permet de comprendre un petit peu mieux la présence de cette cargaison qui finalement s'est retrouvée à bord d'un navire qui a été coulé. Donc quelle est la raison? Un sabordage, un incendie, on ne le sait pas, on n'a pas replongé sur l'épave. Mais en tout cas, on a ce fragment d'assiette qui sort complètement du lot par rapport aux 2800 fragments que l'on a découverts et qui sont plutôt cohérents au niveau du décor. Et ce vice-roi des Indes a perdu tout, même la couronne? En effet, Louise de Ménessès, vice-roi des Indes, était accompagné de l'archevêque de Goa, au large de l'île Bourbon, Saint-Denis actuel, enfin la Réunion Saint-Denis actuel, son navire a été pris, alors qu'il était à bord, par le fameux pirate Labuse, et les bijoux de la couronne portugaise étaient à bord. Grand malheur à lui, Il a dû rentrer au Portugal, malheureusement sans les bijoux, et être banni pendant près de 10 ans de la couronne. En 2022, vous partez à la recherche des installations pirates, donc cette fois-ci sur Terre, au cœur d'une végétation visiblement très dense. Vous opérez donc tout d'abord du lidar afin d'avoir les vestiges au travers du relief, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'était une volonté de l'équipe mettre en place un scan lidar extrêmement important. Donc, comment ça fonctionne ? C'est un drone qui est équipé d'un boîtier qui permet de prendre en topographie complète toute la baie, donc ce qui n'avait jamais été fait. C'est Isabelle Letellier qui nous a permis vraiment de mettre en place tout ce matériel-là avec Air Deco Drone. Et cette topographie a permis de retirer la végétation très dense de la cartographie numérique 3D qui a été traitée ensuite et de retrouver un certain nombre d'occupations Qu'est-ce humaines. Que vous avez ? Voilà, notamment, les résultats sont en cours de traitement puisque c'est relativement long, mais on a pu mettre en place un certain nombre d'éléments, notamment des restes de chemins, d'occupations, de vestiges de murs, etc. Que relèvent ces prospections sur le plateau de l'île ? Justement, on sait qu'il y avait une sorte de fortin à cet endroit-là. Oui, alors, sur la colline de la Possession, où se trouve aujourd'hui actuellement le fort de la Possession, qui est un fort français édifié dans les années 1860. Sous ce fort, on sait que d'après les archives, il y avait une tour ancienne, édifiée en 1750 par les Français. Et avant cela, il y avait le premier fort pirate, et le seul fort pirate de l'île, édifié par Adam Baldridge dans les années 1691. Avec des canons. Avec des canons, des fortifications de palissades. On a d'ailleurs une description assez juste du type d'architecture qui a été développée. Et les pirates venaient se réunir pour éventuellement défendre la baie, puisqu'on est sur le plateau et ça permettait de couvrir toute l'entrée de la baie et des éventuelles invasions françaises et anglaises. Qu'en est-il de la fameuse île des Forbans ? Alors, l'île prospectée aussi, bien oui, sûr. Oui, l'île Forban qui est au centre a permis. Donc, on a fait 4 sondages, hein, si je me trompe pas, sur différents niveaux en littoral et en hauteur, et a permis de mettre en évidence d'autres vestiges malgaches. Alors, de la céramique de facture assez grossière qui est difficile à dater, mais également de la porcelaine chinoise, des restes d'amas de coraux qui ont été brûlés, et également des installations cheminement, etc. Donc, on a vraiment une installation qui commence, une occupation pirate qui commence à être mise en place. Il nous reste quand même de réels vestiges à trouver, mais là, dans ce cas-là, il faut faire ouvrir des fenêtres un peu plus grande, de 5 mètres sur 5 par exemple, pour réussir à essayer de voir notamment les trous de poteaux et retrouver pourquoi pas d'éventuels canons qui sont restés sur l'île. Existe-t-il une culture matérielle de la piraterie ? Hormis bien sûr l'éventuel pavillon à tête de mort, rien ne semble la caractériser, si ce n'est la mixité des objets collectés au fur et à mesure des larcins. Non, et d'ailleurs, c'est la caractéristique de cette archéologie ultramarine et moderne. Il n'y a pas de culture matérielle pirate, ça n'existe pas. On n'a pas de pièces de monnaie avec des têtes de mort ou des boutons de veste affublés du crâne et des tibias croisés. Non, tout ça, on est très loin de la vérité archéologique et historique. Ce sont essentiellement des objets multiculturels qui viennent du monde entier. Un petit exemple, l'épave du Speaker qui a coulé en 1702 au large de Maurice a livré une quarantaine de monnaies en or et en argent. Et elle venait de 20 pays différents. S'accaparer des biens est une chose. Sont-ils revendus ? En un mot, existe-t-il un marché de ces prises hors la loi ? Et oui, et c'est tout l'objectif de travailler sur Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'est une plaque tournante de contrebande mise en place à la fin du XVIIe siècle par le fameux Adam Baldridge. Et elle servait à quoi ? À accueillir finalement les équipages pirates qui revendaient leurs marchandises, porcelaine chinoise mais aussi esclaves, dans le but d'enrichir à la fois leurs équipages, leurs capitaines, mais aussi les populations locales, dans le but d'avoir un marché détourné pour la noblesse, notamment de Nouvelle-Angleterre. Jean Soula, merci beaucoup. Et puis donc, je rappelle le titre de votre livre, Pirate, avec bien sûr un S, publié aux éditions Alizio. Carbone 14 était réalisé par Sam Bakiast, à la technique Marie-Claire Oumababdi et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inarab.fr.